Vous écoutez France Culture. Les lundis de l'histoire présentés cet après-midi en direct par Roger Chartier. Le lundi de l'histoire du 11 octobre 1982 fut consacré à un livre que venait de publier chez Gallimard Michel de Certeau, alors professeur à l'Université de Californie à San Diego. Ce livre avait pour titre « La fable mystique, 16e-17e siècle ». Michel de Certeau en précisait ainsi l'intention, et l'intention d'un ouvrage qui était consacré à cette science nouvelle qui était la mystique à partir du XVIe siècle. Le but de ce travail, c'était de dessiner une figure historique, un découpage d'un ensemble de doctrines, de positions sociales, de formes communautaires, de textes littéraires qui constituent un ensemble, qui a sa cohérence, qui a son début et qui a sa fin, et qu'on peut dater d'ailleurs du XIIIe siècle dans ses commencements, mais dans sa grande élaboration du XVIe siècle, et qui s'achève, se défait à la fin du XVIIe siècle. Donc le but n'était pas de suivre une chronologie, mais d'essayer d'analyser premièrement les conditions d'apparition de cette configuration relativement à d'autres figures de l'histoire, du savoir, de la société, d'autres problèmes de l'époque, et d'autre part, d'essayer de définir quelles sont les déterminations internes de cette configuration, quels en sont les critères, les pratiques, quelle est sa cohérence interne. Et enfin, troisième élément, sa dégradation, les raisons pour lesquelles cette figure qui a donné lieu à des créations très, très fortes, très brillantes, se défait, se dissocie et passe à d'autres formes scientifiques ou religieuses à la fin du XVIIe. Fondé sur des années de pérégrination dans les archives françaises et étrangères, comme l'écrivait Michel de Certeau dans ce livre, cet ouvrage s'attachait au fondement de la science mystique, à savoir sa théorie de la parole et sa pratique du langage. Le travail appelait donc du coup un second volet, voué à comprendre comment un corps de l'individu, un corps collectif, était inventé, construit par la parole mystique. La mort de Michel de Certeau en 1986, peu après son retour à Paris, son élection à l'École des hautes études en sciences sociales, ne lui permit pas d'achever l'ouvrage en cours d'élaboration. Si aujourd'hui paraît le tome 2 de la fable mystique, nous le devons à Lugiard, qui a réuni, édité, 12 études, essais de Michel de Certeau, qui sont comme des matériaux à partir desquels il aurait rédigé les chapitres de son livre. C'est à cet ensemble, publié comme le premier volume en 1982 par Gallimard et présenté par l'éditrice Lugiard, c'est cet ensemble qui nous retiendra cet après-midi. Et pour en parler, se retrouve Lugiard, Jacques Lebrun, qui avait participé à l'émission de 1982, et Pierre-Antoine Fabre. D'un mot, je les présente. Je rappelle que Lugiard est historienne des sciences de la Renaissance et qu'elle a édité plusieurs recueils des œuvres de Michel de Certeau et qu'elle a donné des rééditions rigoureuses, précises, de 6 de ses ouvrages. Jacques Lebrun est historien de la spiritualité au XVIIe siècle. Il a publié des ouvrages devenus classiques sur Bossuet, sur Fénelon. Et nous avons présenté en son temps, dans ses lundis de l'histoire, son livre, son dernier livre, « Le pouvoir d'abdiquer, essai sur la déchéance volontaire », publié aussi chez Gallimard. Et enfin, Pierre-Antoine Fabre est lui aussi historien de la spiritualité moderne, en particulier, mais pas seulement, celle d'Ignace de Loyola et de la Compagnie de Jésus. Son dernier livre a pour titre « Décréter l'image », point d'interrogation, la 25e session du Concile de Trente. Ce livre est publié par les Belles Lettres et nous le rencontrerons sûrement au cours de notre conversation. Une première question, Lugiard, qu'est-ce que le travail que vous avez fait et cette proximité-distance entre les articles rassemblés dans ce livre et ce qu'aurait pu, dû être la forme achevée de l'ouvrage sous la plume de Michel de Certeau, qu'est-ce que nous apprend cet écart qui est en même temps proximité sur sa manière de travailler? Michel de Certeau travaillait beaucoup chacun de ses textes. Il n'en était jamais satisfait. Et donc, quel que soit l'état d'achèvement d'un texte, aux yeux en tout cas de lecteurs proches de lui, auxquels il l'est montré par exemple, lui estimait que le texte devait être retravaillé. Et quand, par exemple, il a publié le tome 1 de la fable mystique, il a fait sur les épreuves imprimées des corrections si importantes que l'éditeur lui a dit qu'il était impossible de les accepter, à moins qu'il paie un coût supplémentaire pour ces corrections, ce que Michel de Certeau a payé, et c'était 12 000 nouveaux francs en 82. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que son écriture est une réécriture permanente du travail avec un moment de fixation qui est forcément la dernière étape oui, dans la forme imprimée, qui pour autant n'abandonne pas le chantier? Exactement. Le dernier état, c'est le moment où on est obligé de signer le bon à tirer pour l'imprimeur. Voilà. Donc, les textes que j'ai rassemblés dans ce tome 2, qu'il avait écrit et publié dans une première version, nous dirons, à l'exception du grand chapitre sur Nicolas de Cuse, qui est en bonne partie inédit, il les aurait certainement retravaillés, démembrés, transformés, corrigés, etc., s'il avait été là pour achever le tome 2. Et il leur aurait ajouté d'autres chapitres pour lesquels il existait dans ses dossiers des notes fragmentaires. Mais aucune version écrite de façon continue qu'on puisse juger publiable d'après ses critères à lui d'exigence sur la qualité de l'écriture. C'est pour cela que ces notes fragmentaires, après les avoir très longtemps brassés, collationnés, etc., j'ai renoncé à en donner une version publiée. Et il avait aussi refusé l'idée qu'on puisse publier à partir de conférences, de séminaires, textes posthumes. Il était extrêmement ferme. Ce qui était l'enregistrement d'une conférence, d'un séminaire, ou des notes de travail, ou des notes d'auditeurs, ce n'était pas des textes publiables à ses yeux. Alors, c'était des jalons sur un chemin. Deuxième question, pourquoi deux tomes? Quand nous étions avec Jacques Lebrun et avec lui, en 82, il avait expliqué que d'un côté, il y avait ce premier volume qui était consacré aux pratiques du langage, considéré comme fondatrice de cette science nouvelle, et qu'un second volet pourrait être ou devrait être consacré aux pratiques du corps, et comme je le disais, aussi bien un corps collectif qu'un corps individuel. Et dans une lettre envoyée à Pierre Nora, qui était chez Gallimard, son éditeur, il reprenait cette distinction entre, il voulait même deux sous-titres, un autre langage, un autre corps. Oui. Et vous publiez-vous dans votre présentation une lettre du 25 août 1984 adressée à un de ses amis, Michael Smith, dans laquelle on retrouve cette idée, mais avec peut-être une autre formulation, puisqu'il oppose ce qui est pour lui, et ce qui était l'objet du premier volume, la constitution d'une nouvelle science, les conditions de possibilité de sa construction, et d'autre part, dit-il, le contenu de cette science mystique, un contenu qui est technique, expérience. Est-ce que pour vous, ces deux manières identiques, avec des formulations différentes, ou est-ce qu'il y a eu peut-être une certaine, sinon incertitude, mais différentes possibilités évoquées par lui? C'est-à-dire, je crois que ce qu'il avait inséré dans le premier tome était ce que, dans son langage, il appelait la formalité. La formalité des pratiques mystiques, le passage sur l'énonciation mystique. Et dans ce qu'il considérait comme devant être le deuxième tome, on serait entré effectivement dans le contenu de ces pratiques. Donc on se déplaçait de l'analyse des formalités vers la description analytique subtile du contenu des pratiques. ce que nous avons essayé de suivre à partir de votre magnifique travail aujourd'hui. Alors peut-être, Jacques Leblanc peut faire allusion au premier texte qui ouvre ce volume, qui est un texte de 85, parce que près de la moitié des essais ou des articles ont été publiés après la publication du premier volume de la fable mystique. Lugiard a repris certains des textes antérieurs, mais il y a là tous les matériaux qu'il construisait en pensant à ce second volume. Et le premier volume, la première essai, est une réflexion de type historiographique sur les difficultés que pose une histoire de la mystique et le défi qu'elle lance à son historien. Et je crois qu'il voulait montrer par là qu'il y avait à la fois les pièges des archives et la difficulté créée par quelque chose qui paraissait pourtant bien stable, bien solide, la littérature mystique. Oui, quand on parle d'historicité, on met le doigt, je crois, sur quelque chose de fondamental dans le travail sur la mystique. La mystique travaille à partir de sources qui ont été, pour ainsi dire, historisées. C'est-à-dire que nous n'avons pas de sources brutes. Nous avons des récits d'extase, des récits tirés de paroles qui ont été adressées à des directeurs spirituels, des dénonciations, des condamnations. Nous avons donc là tout un ensemble de textes à partir desquels nous pourrons réfléchir sur la mystique. La mystique dépend donc de ces sources, qui sont elles-mêmes des documents historiques, qui ne sont pas des documents bruts. Ce serait une illusion de s'imaginer que derrière les documents bruts, nous puissions atteindre une sorte de réalité ultime qui serait la mystique. La mystique n'est pas séparable de son insertion dans un système dans lequel il y a des sources, mais des sources à partir desquelles il y aura un discours que l'historien pourra élaborer. Et ce discours sera élaboré donc d'une façon tout à fait particulière. L'histoire de la mystique n'est pas séparable de ce qu'est la mystique elle-même. Je crois que la situation est différente de celle, par exemple, de l'historien qui fait de l'histoire économique, sociale, simplement. En effet, la mystique, comme nous disions tout à l'heure, la mystique est prise d'un côté entre un désir d'être scientifique et l'autre côté, l'impossibilité d'être sorti, d'être une fable. En quelque sorte, il y aurait l'écart entre la fable mystique, c'est-à-dire ce que l'on raconte, ces récits arrangés, torturés, pour ainsi dire, certaines fois, et d'un autre côté, il y a la prétention qui n'est pas illusion, car lorsque nous parlons de science mystique, il s'agit bien de science, et Surin aura une belle formule, qui est une science expérimentale. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui traverse toute l'histoire de la mystique depuis l'époque moderne, 16e, 17e siècle, jusqu'à nos jours. Dans quelle mesure une science peut-elle s'adresser, peut-elle se tirer de la mystique sans transformer son objet, sans transformer ce qui fait la spécificité de la mystique dans un objet tout à fait banal comme celui des autres sciences? Alors, peut-être qu'on peut reprendre ce que vous dites sur le fait que d'un côté, il y a cette affirmation, à la fois par les textes du temps et par leur historien, Michel de Certeau, de l'idée d'une science. Une science parce qu'il y a méthode, procédure, manipulation des mots, manipulation des corps. Donc une science nouvelle, une science expérimentale, dira Surin. Et de l'autre côté, le choix du titre. La fable mystique. Comment s'articulait dans la pensée de Michel de Certeau le fait que l'objet était une science nouvelle, dont on va voir que peut-être elle n'aboutit pas à ce qu'elle désirait, et de l'autre côté, le choix du mot fable dans le titre? Lugia. C'est-à-dire, je dirais qu'il y avait un désir d'une science, mais non pas la construction d'une science. Et le désir de cette science doit de toutes les façons essayer de se réaliser avec les matériaux qui sont disponibles. Et les matériaux qui sont disponibles sont les récits des mystiques. Donc c'est une mise par écrit, évidemment, mais dans la distance temporelle, mais la mise par écrit de ce qui fut une parole. Pierre-Antoine Fabre. Oui, peut-être deux choses sur ce. Alors, d'une part, pour les lecteurs d'aujourd'hui, je pense qu'il faut. Vous vous souvenez que la fable mystique 1 s'amorçait sur cette formule qui avait fait couler beaucoup d'encre. Ce livre se présente au nom d'une incompétence. Et j'ai été frappé beaucoup en lisant d'un seul coup tous ces douze textes du fait que la distance de Michel de Certeau par rapport à son objet s'exprimait par l'extraordinaire clarté de sa langue, la clarté tranchante, la clarté cristalline, mais toujours une très grande clarté dans un objet qu'il définit en même temps sans cesse dans son opacité. Opacité du corps mystique par rapport à la transparence du corps eucharistique, opacité de l'objet pour le mystique lui-même, toujours exilé de cet objet de science qu'il ne parvient pas à construire. Et en même temps, par rapport à cette opacité, Michel de Certeau fait preuve d'une constante transparence dans son écriture. Et ça, je crois que c'est important de le redire aujourd'hui. Et puis peut-être un autre aspect concernant la définition de cet objet, dans ce texte « Historicité mystique » que commentait à l'instant Jacques Lebrun, je pense qu'il y a deux éléments très importants. Il y a d'une part le fait que l'opération qu'effectue Michel de Certeau, qui apparaît beaucoup dans sa discussion avec Kolakowski, avec le livre « Chrétien sans Église », qui est une référence dans les deux volumes, c'est le fait, en quelque sorte, de faire passer la mystique de la marge au centre, c'est-à-dire de ne pas faire de la mystique quelque chose comme la contestation ou la transgression radicale d'un système dévotionnel, d'une architecture discursive, mais au contraire de faire de la mystique quelque chose qui l'inquiète, mais qui l'inquiète en son centre, c'est-à-dire de véritablement placer la mystique au cœur du système chrétien. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important qu'il fait, que ne fait pas Kolakowski, par exemple, qui montre constamment le mystique échouant dans sa tentative de faire autre chose. Je crois que Michel de Certeau montre comment le mystique échoue, mais dans son effort à vouloir être le même. Et puis alors, la dernière chose importante, là, qui m'a beaucoup frappé en lisant ces premiers textes, c'est le rapport avec la philosophie. Qui parcourt ce premier texte, comme s'il y avait d'un côté quelque chose qui, de la mystique, est une sorte de reste dans le passage de la théologie et la philosophie, un reste qui serait peut-être le fondement de croyance du discours. Michel de Certeau cite malicieusement une lettre de Flaubert à Louise Collet, où Flaubert dit « Je suis mystique au fond et je ne crois à rien ». Alors on a ce reste du rapport à la croyance qui est un reste dans ce grand basculement du théologique dans le philosophique. Et puis après, il y a ce second moment, fin du 19e siècle, dans lequel la crise de la philosophie, au moment de la naissance des sciences sociales, se manifeste par ce retour de la mystique dans la culture de la fin du 19e siècle. Et Michel de Certeau, il est d'une certaine manière toujours, d'où l'historicité essentielle qu'évoquait Jacques Lebrun, il est toujours entre ces deux temps. Il est toujours dans deux temps en même temps. Et je crois que c'est important de le dire. Il y avait dans cette manière aussi de montrer ce contre quoi il voulait produire, et il a produit ce livre, et maintenant ces deux livres, c'était aussi la réduction de la mystique au corpus de la littérature mystique. Évidemment, dans ses livres, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix sont omniprésents, mais il a cette formule assez ironique en parlant de la littérature mystique consacrée comme telle. Elle est à la mystique ce que la canonisation est à la sainteté, c'est-à-dire cette idée que déborde de partout par rapport à un corpus qu'il dit avoir été construit par des institutions, par des réseaux de pouvoir, par des traditions, qu'il y a des expressions de cette spiritualité qui vont bien au-delà ou bien en deçà, comme on voudra, de la littérature mystique consacrée comme telle, ce qui explique dans le premier volume cette attention portée à des auteurs qui n'entrent pas de plein pied dans ce corpus canonique. Jacques Lebrun. Oui, c'est très juste. L'époque classique, 16e, 17e siècle, est une époque où se constitue une littérature. Peut-être la première fois dans l'histoire, l'ensemble des textes spirituels, des textes mystiques, ont constitué ce que nous appelons aujourd'hui une littérature, c'est-à-dire un ensemble cohérent dans lequel il y a des grandes œuvres, de moins grandes œuvres, des œuvres qui sont soumises aux conditions générales de la littérature, c'est-à-dire des conditions d'impression, des conditions de diffusion, des conditions de lecture en particulier. Et c'est là que j'ai été très frappé dans ce chapitre sur la lecture, dans cette fable mystique au tome 2, il y a une lecture particulière de cette littérature. Ce n'est pas n'importe quelle sorte de lecture qui s'applique à la littérature mystique. C'est une lecture qui est en quelque sorte affectée par le texte et non pas simplement par le message du texte. Et il y a de très belles pages sur le livre comme objet, comme c'est cet objet qui exerce sa puissance par elle-même. Il y a une phrase de Sainte Thérèse que cite Michel de Certeau. Sainte Thérèse a le livre, il suffit d'avoir le livre entre les mains, même sans lire. Le livre exerce son action, même si on ne lit pas. Il y a là donc quelque chose qui est en deçà ou au-delà de la lecture traditionnelle, de la lecture scientifique, de la lecture théologique vis-à-vis des textes. D'un mot, cette lecture participe de ce que disait Luzière, c'est-à-dire les contenus qui sont ceux de la spiritualité mystique. Et effectivement, vous avez raison de souligner ce point, c'est-à-dire le fait que cette efficace du livre comme objet, même si on ne le lit pas, se renvoie à ce qui est le thème fondamental de cet essai de Michel de Certeau, ce qu'il appelle la lecture absolue, parce qu'elle est déliée du texte. Le texte n'impose pas son sens. Ce qui importe, c'est l'expérience du lire. Et mentionnant Thérèse d'Avila, on peut aussi rappeler qu'il y a comme un moment de détachement du lu et du lire pour arriver à une forme d'expérience, méditation, prière, conversation, qui ne repose plus sur la lecture. Et donc c'est une lecture paradoxale dans un sens qui se nie elle-même. C'est-à-dire c'est une lecture aussi qui est déliée des autorités. C'est une lecture qui s'individualise dans la pratique de chaque mystique, et c'est aussi une lecture qui, en quelque sorte, se matérialise. Il y a un rapport entre la matérialité de l'objet livre et la manière dont l'expérience mystique affecte le corps de l'individu mystique, c'est-à-dire sa matérialité. Il y a donc un double échange de matérialité autour de ce qui est le contenu du livre, avec des phases où il y a une lecture qu'on pourrait dire ordinaire et une lecture totalement absorbée et dans laquelle le mystique s'absorbe lui-même. Oui, il voulait l'opposer à la lecture scolastique, qui est une recherche du sens, une herméneutique du sens. Et pour lui, ce qui était, comme vous le dites, très important, c'est le fait que le rapport au livre, lu par fragments ou simplement tenu, était comme un, il emploie l'expression théâtre, il emploie le mot miroir, où on pouvait attendre, espérer une parole. Et donc une forme de lecture radicalement différente, et de la lecture scolastique, même, et aussi de la lecture humaniste du temps, la technique des lieux communs, les extraits pour produire de nouveaux discours, mais selon un ordre. Ici, il y a cette idée de la fragmentation, comme vous le dites, de la lecture déliée, et de la lecture qui peut s'effacer pour donner lieu à une autre expérience qu'elle a engendrée sans la satisfaire. Mais cette forme de théâtre, justement, renvoie à l'autre rapport que les gens de ce temps-là, ou un peu leurs prédécesseurs, pouvaient avoir vis-à-vis des images. Et c'est ce qu'on voit développer dans le chapitre sur Nicolas de Cuse, dans l'expérience que raconte Nicolas de Cuse à propos de cette image extraordinaire qui tourne son regard vers celui qui la contemple. Oui, alors peut-être que on peut s'arrêter là, puisque dans dans ce qui aurait dû être une des parties du livre à venir, Michel de Certeau insistait beaucoup, comme il l'avait thématisé dans le premier volume, sur les spécificités des procédé d'écriture qui, chez les mystiques, permet de s'approcher du plus près de l'impossible, c'est-à-dire dire l'indicible. Et l'analyse dominante avec Jean de la Croix, avec Surin, lecteur de Jean de la Croix, c'est de repérer ces figures du discours et qui peuvent être jouées, enfin qui jouent sur le paradoxe, sur l'oxymore, sur le fait d'employer du dissemblable, de concilier ou d'associer des contraires. Et il y a d'ailleurs un chapitre final sur le fait de parler dans des langues qu'on ne connaît pas, ou le mélange des langues qui apparaît comme la glossolalie. Donc il y a cette attention fondamentale qui est dans le droit fil du projet, une théorie de la langue et des pratiques du discours. Mais il y a aussi Pierre-Antoine Fabre avec ce chapitre un peu inattendu sur Nicolas de Cuse, une autre forme, une autre matrice de ce dissemblable, de cette idée de coïncidence des contraires, et qui est de la repérer dans l'image, les usages de l'image, et l'image entre l'expérimentation sensible et la théologie mystique. Est-ce que cette manière-là, ce chapitre-là, pour vous, est en rupture par rapport à ce qui est dit sur les discours, ou est une autre matrice de cette production d'une figure qui serait à la fois iconographique et discursive, c'est-à-dire ce qu'il appelle la coïncidence des contraires? Je crois que dans ce que vous venez de dire, je crois qu'il faut vraiment faire réapparaître très fortement cette notion de l'oxymore qui joue un grand rôle dans la fable mystique 1. Alors, comme c'est un mot qu'on n'utilise pas peut-être absolument tous les jours, peut-être que je rappelle la définition qu'en donne Michel de Certeau dans la fable mystique 1. La combinaison des deux termes se substitue à l'existence d'un troisième et le pose comme absent. Elle crée un trou dans le langage. Elle y taille la place d'un indicible. C'est du langage qui vise un non-langage. À cet égard aussi, il dérange le lexique. Alors je crois que c'est une définition très importante parce qu'elle montre à quel point, quand de Certeau écrit « elle taille la place d'un indicible », cela signifie bien que l'oxymore, justement, n'est pas de l'ordre de l'indicible. L'oxymore, c'est quelque chose qui est dit et qui désigne un indicible comme troisième terme, tout en produisant un discours. Et ce qui est très beau, c'est que dans la fable mystique 2, on retrouve dans une sorte de très beau passage qui n'est pas un glissement, qui est véritablement un enchaînement très très profond. On passe du moment où Michel de Certeau rappelle Jean de la Croix, lorsque Jean de la Croix écrit dans la vive flamme: âme, dites-le, oh non, ne le dites pas. Et c'est à partir du rappel de Jean de la Croix qu'il fait apparaître à nouveau ce motif de l'oxymore, où il reprend du reste le même oxymore sur lequel il travaillait dans la fable mystique 1, l'oxymore du cruel repos. Et c'est à partir de cet oxymore du cruel repos qu'il fait apparaître la coïncidence des opposés qui vous faisait faire référence à Nicolas de Cuse. Donc on a tout ce parcours qui, de l'oxymore à la coïncidence des opposés, montre à quel point ce rapport entre dire et ne pas dire structure comme un langage l'indicible. Et ça, je pense que c'est très important pour aller au-delà de quelque chose qui serait une sorte d'entité ineffable de l'indicible. Non, l'indicible est structuré comme un langage. Alors donc, du coup, on peut à la fois rappeler, comme le faisait Lucia, cette expérience que Nicolas de Cuse propose à ses frères religieux, décrite dans la préface analysée si méticuleusement par Michel de Certeau, du Die Icona, ou aussi De Visione Dei, de 1453, et dans lequel il s'agit de ce communément dans une collectivité, d'être sous le regard d'un omnivoyant, donc dans un tableau. Et Nicolas de Cuse, pour que l'expérience soit tout à fait probante, envoie à ses frères un objet. Il dit: pour que rien ne vous manque dans un exercice qui exige la figure sensible dont j'ai pu disposer, je vous envoie un tableau portant cette figure de l'omnivoyant, c'est-à-dire qui semble vous regarder, quelle que soit la position que vous occupez par rapport à lui, que j'appelle tableau de Dieu, icona dei. Et il termine: à partir de ce phénomène sensible, je me propose, frère très aimant, de vous élever par un exercice de la dévotion jusqu'à la théologie mystique. Et donc, du coup, on a cette idée d'une médiation, sûrement très chère à vous, Lucia, qui est qu'entre l'expérience sensible et la théologie mystique s'introduit la géométrie, qui était l'autre, la figure que Nicolas de Cuse donnait pour ce passage d'un registre à un autre. Oui, il faut dire que le temps de Nicolas de Cuse, c'est le temps de grandes interrogations, parce que, comme Michel de Certeau le signale à plusieurs reprises, c'est le temps où le cosmos ne semble plus lisible comme message reçu de Dieu. Et puisqu'on a perdu confiance dans la possibilité de lire le cosmos de cette façon-là, à cause du progrès des savoirs, des sciences, etc., alors il faut chercher des assurances quant à la possibilité d'entendre Dieu ou d'avoir un signe de lui dans d'autres types d'expériences. Et c'est ainsi que on peut recourir à des tableaux. Ce tableau que présentait Nicolas de Cuse, mais dans un autre ordre, le tableau analysé dans, au début de du tome 1 de la fable, le tableau de Bosch, qui lui racontait au fond toute l'histoire humaine. Le jardin des délices. Le jardin des délices, qui racontait toute l'histoire humaine du paradis aux enfers, avec tous les types d'expériences possibles. Alors, oui, peut-être, Pierre Adroitefa, pour évoquer d'un mot votre livre, Décréter l'image, la 25e session du Concile de Trente, vous montrez une chose qui serait aux antipodes de cette décision de Nicolas de Cuse de faire des références à des tableaux omnivoyants que on peut voir dans des palais ou dans des églises, et puis d'en envoyer un pour que l'expérience soit bien menée. Vous faites allusion, vous, au fait que dans le XVIe et XVIIe siècle catholique, les discours qui définissent les usages légitimes dans le culte des images ou les discours qui proposent des images à imiter ont ce paradoxe qui n'en sont jamais illustrés. Alors, est-ce qu'on peut en tirer une conclusion ? Est-ce qu'il y aurait comme une sorte en quelque sorte de déperdition de la force attribuée à l'image ? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette différence si forte ? Ben, je crois que c'est l'accomplissement de ce que Nicolas de Cuse inaugure. C'est-à-dire que si on lit bien ce qu'écrit Michel de Certeau, le fait que chez Nicolas de Cuse, il y a une sorte d'amorce, une sorte de renversement de la visibilité de Dieu à la visibilité de l'homme. Où ce dont il va être question, c'est de faire voir l'homme voyant Dieu. Donc de passer du côté du regard, en quelque sorte. Or, faire voir l'homme voyant Dieu, ce sera accompli, en quelque sorte, dans le Concile de Trente, qui désenchante l'image comme image de Dieu, mais qui la réenchante comme image produite par l'homme, mais qui ne peut la réenchanter comme image produite par l'homme que si elle est d'abord une image intérieure. Et c'est pour cela que l'image doit être d'autant plus dématérialisée qu'elle est humanisée. D'où ce paradoxe, en effet, d'une image abstraite dans l'esprit du Concile de Trente. Mais ce qui est assez génial dans le texte de Michel de Certeau, c'est que il montre très bien aussi quelque chose qui se développera dans les deux siècles suivants, c'est le fait que cette altérité radicale de l'image de Dieu, elle se joue et elle se jouera dans l'altérité de l'image par rapport au texte. Quelle est la singularité irréductible de l'image par rapport au texte ? Et comment, dans cette altérité de l'image par rapport au texte, se rejoue l'altérité radicale de l'image de Dieu ? Là, il y a quelque chose de très beau dans les développements de Michel de Certeau, qui insiste beaucoup sur cette réflexion très fine de Nicolas de Cuse sur le rapport texte-image. Et là, ce sont des pages qui sont d'une grande ampleur culturelle. On peut peut-être mettre en parallèle avec ce que vous venez de dire, et puis cette référence à ce texte que les lecteurs découvriront, puisque pour grande partie, il n'a jamais été publié. C'était un manuscrit achevé de Michel de Certeau sur Nicolas de Cuse, ce qu'il écrit aussi dans un magnifique texte qui est consacré à la quatrième lettre à Mademoiselle de Roanet de Pascal, et qui converge sur la même question. C'est-à-dire comment s'approcher de la possibilité de dire l'indicible ou de montrer l'invisible. Le commentaire de Michel de Certeau, les lecteurs se reporteront à la lettre citée en son entier, dans laquelle il y a cette idée de l'étrange secret de Dieu. Et pour en le dire d'un mot, Pascal écrivait « Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire. Et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. » Et Michel de Certeau commente toute cette lettre et cette stratégie qu'elle déploie. Les ruses efficaces de l'argumentation de Pascal sont liées à une contradiction interne du texte, à une impossibilité ou à un désespoir qui les soutient. Le discours montre partout ce qu'il affirme invisible. Comme le guide qui fait aujourd'hui visiter Port-Royal des Champs, il dit « Ici c'est !» Mais rien ne peut se voir. Autrefois, sans doute, Isaïe l'a vu. Du moins est-il permis de le croire, d'après ce qui est écrit. Sur quoi donc porte une pareille virtuosité persuasive si elle perd, si même elle travaille à perdre l'objet qu'elle est capable d'imposer ? Et donc je pense que la parallèle est forte, mais peut-être on est passé de l'expérimentation sensible de l'image matérielle de Nicolas de Cuse à quelque chose qui a à voir avec des effets d'ekphrasis, mais paradoxaux, puisqu'il s'agit par les discours de montrer ce qui est invisible. Jacques Leban. Pas plus que l'image ne s'impose et n'impose sa vérité spontanément, immédiatement, pas plus le texte n'impose sa vérité spontanément. Il faut une médiation. Cette médiation, c'est l'autre, c'est-à-dire il faut croire. Ce que l'image me présente, je dois le croire. Il faut qu'un troisième personnage vienne et que ce soit la parole du troisième personnage qui me permette de croire que l'image m'a regardé. De même, dans le texte, il faut une interprétation. Le texte lui-même, la parole, ne suffit pas. Il n'y a pas d'immédiateté. Et alors, comment faire cette médiation? Comment faire croire à partir d'un événement, l'événement de Port-Royal, ici dont parle Pascal dans sa lettre, comment faire croire? Par quel moyen? Et cela uniquement par l'intermédiaire d'un autre. Et je crois que ça revient constamment dans ce livre. C'est la nécessité d'un troisième thème, d'un troisième homme. Et de ce troisième est celui qui permettra de croire et de faire découvrir une vérité qui jamais ne s'impose d'elle-même. Non pas simplement parce que nous sommes dans une société où les croyances traditionnelles se seraient affaiblies, mais je crois que c'est une condition fondamentale de toute vérité, qu'elle ne peut s'imposer que par la croyance en une parole et une parole d'autrui. Je rappelle, entre parenthèses, pour nos auditeurs qui nous rejoindraient en cours de parole, que l'émission de cet après-midi est consacrée à la fable mystique, 16e, 17e siècle, le tome 2 de ce livre de Michel de Certeau. Et ce tome 2, l'édition en a été établie et présentée par Luce Giard. Ce que vient de dire Jacques Leban nous permet peut-être de faire retour aussi à ce contre quoi Michel de Certeau voulait écrire sa analyse de la mystique, c'est-à-dire la réduction à ce qu'il appelle un individualisme pathologique. Tout à l'heure, Pierre-Antoine Fabre évoquait ce qu'était devenu la mystique au XIXe siècle, alors du côté de la philosophie comme un contre-matérialisme, mais aussi dans à la fois l'histoire et la psychologie, l'idée que, se fondant sur ce que vous disiez, Jacques Leban, c'est-à-dire des récits d'extase, de souffrance, de vision, le mystique était devenu au singulier. Et pour Michel de Certeau, c'était une erreur fondamentale, puisque non seulement la figure de l'autre que vous venez d'introduire, mais la figure des autres, la mystique comme une série, un ensemble de figures sociales, était tout à fait important. Je prends la page 39 où il donne l'énumération de toutes ces figures sociales de la mystique, mais qui sont constitutives de la science de la mystique. Ce peut être, je le cite, des écoles et des groupes, des relations de maîtres de vérité à disciples, des réseaux de communication et de transmission qui passent par les filières de famille, de généalogie, de milieux, de liens culturels et commerciaux, des modèles d'organisation cénobitique ou hérémétique, l'hérémitisme constituant lui aussi une forme sociale, et des protocoles conversationnels, confession, aveu, direction spirituelle, des procédures d'épreuve et de reconnaissance, des codifications sensorielles, alimentaires, sexuelles, linguistiques, des techniques de représentation, de concentration, de vacuité mentale, des économies d'honneur, d'allégeance ou des biens matériels échangés contre des valeurs symboliques. Donc ça ouvrait évidemment la voie à ce qu'on voit dans le premier volume, c'est-à-dire une sorte de forme d'histoire de la formation sociale qu'est la mystique, mais ça permettait de s'opposer assez radicalement à toute l'idée qui avait isolé le mystique dans ses rêves, fantasmes ou souffrances. Vous parliez à l'instant de pathologie. En effet, dès le XVIIe siècle, la mystique est considérée comme une maladie. Il suffit de lire certains textes de Bossuet, par exemple. Mais je crois que ce qui est important, et ce que montre bien un très grand chapitre dans ce livre, c'est que s'il ne s'agit pas de pathologie, il s'agit cependant de pâtir, de passion. Et la passion montre que le sujet est affecté par cette vérité qu'il trouve. Et ce sujet qui est affecté, il est affecté dans son corps, dans ses sentiments, dans ses émotions. Et je crois que c'est une dimension tout à fait fondamentale de la mystique. Très vite, lorsqu'on ne comprend pas ce qu'est cette passion, ce pâtir au sens latin du terme pâtir, c'est-à-dire être affecté par quelque chose, quand on ne comprend plus, eh bien, le pâtir tourne du côté de la pathologie. Et je crois que, de ce point de vue, il y a quelque chose de tout à fait fondamental dans les textes de Jean de la Croix. Il y a un des très beaux textes de Jean de la Croix que cite Michel de Certeau en ouverture de son chapitre sur les aphorismes de Jean de la Croix, qui pourrait servir, je crois, ce sont les deux premiers vers. « Où t'es-tu caché aimé, ou m'as-tu laissé en larmes ?» Bien, je crois qu'avec ces deux vers, nous avons tout. Nous avons presque le résumé de ce livre et le résumé de l'histoire de la mystique. « Où m'as-tu laissé une absence ?» aimer, toute une théorie de l'amour qui ne cessera de s'essayer, de s'élaborer, c'est-à-dire de donner une justification théorique à ce que sont ces phénomènes de la passion, et troisièmement, en larmes, c'est-à-dire le pâtir qui est inséparable de la mystique, sous toutes ses formes d'ailleurs, qui peuvent être la forme de suavité extraordinaire comme de douleur extraordinaire. Pierre-Antoine Fabre. Oui, et je crois que ce qui fait la puissance du livre, enfin des deux livres, c'est le fait que ce qui est en quelque sorte vrai dans ce que vous évoquiez à l'instant, de cette pluralité de figures mystiques, c'est quelque chose qui est vrai, et c'est ce que vient de rappeler Jacques Lebrun, c'est quelque chose qui est vrai à l'intérieur même de chacune des productions mystiques. D'où, je crois, la grande importance du chapitre sur le poème et sa prose, sur Jean de la Croix, sur la relation entre Jean de la Croix poète et Jean de la Croix prosateur, où se joue précisément au sein même de Jean de la Croix, de l'écriture de Jean de la Croix, ce que serait cette pluralité. Je lis... Le fonctionnement de l'écriture met en jeu une dialectique de l'extase poétique et de la discursivité historique. Mon hypothèse consiste à reconnaître dans ce fonctionnement littéraire la mise en œuvre d'une historicité, une manière d'articuler le temps sur ce qui lui échappe et donc, finalement, de penser le temps. Les relations du poème et de sa prose chez Jean de la Croix manifestent la formalité d'une histoire. Elles produisent un modèle d'histoire spirituelle, si l'on entend par ce terme le rapport qu'une histoire entretient avec ceux qui parlent, c'est-à-dire avec l'esprit. Où on voit très bien dans ce passage-là comment, dans une sorte de course-poursuite, hein, l'histoire, le poème et la prose produisent une histoire, mais une histoire qui elle-même se découvre comme histoire de l'esprit. Et alors là, il y a dans cette dialectique quelque chose qui est dans le noyau constitutif de cette pluralité de l'écriture mystique en tant que telle. Et je crois que c'est pour cela aussi, quand on regarde l'index qui est précieux à mille égards, mais on s'aperçoit que Surin est l'un des grands protagonistes des deux volumes, et probablement parce que Surin, précisément, comme vous le disiez tout à l'heure, Roger Chartier, Surin est celui qui permet de faire voir à quel point le discours mystique s'enracine dans une totalité beaucoup plus ample. Oui, il faut rappeler sur Jean de la Croix que ce qu'analyse Michel de Certeau, c'est le fait que dans le texte même des poèmes de Jean de la Croix, les vers sont accompagnés de leur exégèse. Il y a comme une tension entre les canciones, les chants, et les declaraciones, qui sont les exégèses. Et que du coup, pour Michel de Certeau, c'est une de ces figures du parler mystique, puisque avec la poésie, il y a comme la parole inspirée, et avec l'exégèse, il y a ce commentaire en prose de cette parole. Et tenir les deux, comme vous le rappeliez, est absolument fondamental. D'un mot aussi pour nos auditeurs, Surin est un de ces jésuites du début, premier tiers du XVIIe siècle, qui constituait cette petite population des jésuites mystiques, qui étaient les premiers travaux de Michel de Certeau, Favre et Surin lui-même. Ce qui me frappait aussi, c'est le fait que lorsqu'il analyse comment Surin, dans les années 1630, 1640, lit Jean de la Croix, puisqu'il y a un article magnifique sur la lecture, ce qui correspond un peu à ce que disait Jacques Lebrun sur la constitution d'un corpus qui fait littérature et qui fait référence. Il montre que l'invention d'une forme de discours, l'invention d'un langage mystique est un résultat de collectif. Et il replace Surin à l'intérieur des différents cercles de sociabilité dans la ville de Bordeaux, à l'intérieur de la compagnie, qui invente collectivement ce parler. Alors peut-être on pourrait ajouter, en s'approchant hélas de la fin de notre émission, que on a vu que la mystique pour Michel de Certeau était définie comme une science nouvelle, comme une science expérimentale, c'est l'expression même de Surin, qu'elle pouvait être définie comme un ensemble de figures sociales, celles que nous avons rencontrées dans sa citation, et qu'elle a, il le disait d'emblée, lorsque nous avons entendu le premier extrait de sa voix, elle est aussi la revendication de l'autorité de l'ignorant contre la monopolisation du sens par les clercs, et il datait ce processus peut-être du XIIIe siècle. Et peut-être qu'on pourrait s'approcher de cette idée d'un refus de l'appropriation du sens par les professionnels, par les théologiens, par les clercs, en revenant à un des entretiens qu'il avait donné après la publication en 82 du premier volume, qu'il était à l'époque La fable mystique. Et dans cet entretien, il synthétisait pour d'une manière tout à fait aiguë cette perspective. Je le cite. « D'un mot, on pourrait dire que la mystique est une réaction contre l'appropriation de la vérité par les clercs qui se professionnalisent à partir du XIIIe siècle. Elle privilégie les lumières des illettrés, l'expérience des femmes, la sagesse des fous, le silence de l'enfant. Elle opte pour les langues vernaculaires contre le latin académique. Elle maintient que l'ignorant a compétence en matière de foi. La mystique, c'est l'autorité de la foule, figure de l'anonyme, qui fait un retour indiscret dans le champ des autorités académiques. » Je crois que, Lucia, on a là comme un résumé de nombreuses pages des deux livres. Oui, tout à fait. Je reviendrai à une citation aussi du tome 1 et qui va dans ce sens. « Laurent, celui qui prie, Laurent peut penser qu'il n'est pas attendu et que Dieu se détourne de lui, comme Surin en a été convaincu pendant 20 années en se croyant damné. » Et au fond, Surin retrouvera une certaine forme de santé quand il comprendra que sa parole est entendue et attendue. Et c'était là où, dans des contenus qu'il voulait évoquer dans les chapitres du livre, il y avait cette mise en place du rapport entre mystique, folie et foule. Et dans l'essai sur Surin, il y a cette idée, comme vous le rappelez, qui est qu'après cet internement, une des obsessions dans l'écriture de Surin, c'est de faire le départ entre ce qu'il assume lui-même comme la folie, comme les fous du Christ, et ce qu'il ne considère pas comme une folie, et qui était ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire cette obsession d'être damné. Et pour lui, tout le texte qui s'appelle justement la science expérimentale était lié à cette possibilité de cette distinction. C'est un très beau chapitre, puisque Michel de Certeau applique sur la lecture de ce voyage spirituel et de cure de Surin les modèles qu'il avait appliqués sur d'autres voyages, eux, géographiques, dans le rapport entre le proche et le lointain, entre l'extraordinaire et l'insignifiant. Ce qu'il y a aussi dans ces deux citations, peut-être, c'est ce qui fait on pourrait dire les continuités des livres de Michel de Certeau, alors qu'ils portent sur des thèmes, des périodes, des sujets très différents. C'est le fait que cette parole de l'illettré, cette parole de la femme, cette parole du fou ou de l'enfant, est une parole qui pourrait tendre à créer un lieu propre, mais qui n'en a pas. Et le premier chapitre que nous avions commenté, là, avec Jacques Lebrun, sur les historicités de la mystique, se termine par cette observation. La mystique n'a pas de propre, de lieu propre. C'est un exercice de l'autre par rapport à un site donné. Elle se caractérise par un ensemble d'opérations spécifiques dans un champ qui n'est pas le sien, par une manière de procéder et de dire. Et est-ce qu'on ne retrouve pas là, Lucia, le modèle interprétatif d'intelligibilité mis en place par Michel de Certeau pour distinguer ce qui peut être des pratiques et des tactiques, des faibles, oui, dans des espaces qui sont ceux des forts. Oui, tout à fait. C'était ce qui était au centre de son analyse dans l'invention du quotidien. Ces livres qui concernaient les pratiques culturelles des gens ordinaires dans la vie contemporaine et dont peu de lecteurs se sont peut-être aperçus que ce livre était fondé sur exactement la même inspiration que les travaux de Michel de Certeau sur la mystique, c'est-à-dire cette capacité d'observer les petites choses de la vie quotidienne avec le plus grand respect, la plus grande délicatesse, et en supposant qu'à l'intérieur de ces actions sans grande envergure, il y avait un sens profond et une intelligibilité à reconquérir. Pierre-Antoine Fabre. Oui, je crois que c'est bien qu'on achève sur ces questions-là, parce que il y a une expérience fondamentale qui traverse tout, c'est le fait qu'on entende une voix avant de parler une langue. Et ça, je crois que c'est ce qui fait que tout ce qui concerne la langue de l'autre est très très très fondamentalement enraciné dans cette expérience, permet évidemment d'entendre à quel point Michel de Certeau a été linguiste, à quel point il a été intimement lié à la psychanalyse. C'est dans cette expérience fondamentale. Mais c'est cette expérience fondamentale qui, en même temps, construit tout à la fois l'omniprésence du sens et la fuite permanente du sens. Dans l'article sur la lecture absolue, il y a une très très belle tension quand il dit, alors c'est un des exemples de cette écriture tranchante, le livre circonscrit une place où il doit y avoir de la parole. On y faisait allusion tout à l'heure. Dans l'espace chaotique et mensonger du monde, il découpe, il marque, il rend présent un lieu où on est en droit d'attendre que le sens parle. Et par rapport à cela, dans la suite du chapitre, il indique, dans l'évolution de cette fable, le problème essentiel n'est plus que disent les messages divins, mais y a-t-il encore un dire, où et comment ? La question se déplace d'une élucidation du sens à la recherche d'une voix. Et je crois que c'est ce rapport entre élucidation du sens et recherche d'une voix qui structure la totalité de cette expérience de la science mystique. Et du coup, vous avez reparlé le mot fable, on voit comment c'est clair l'utilisation de ce mot, non seulement dans son rapport qui n'est pas contradictoire avec la volonté de constitution d'un savoir, mais il rappelait que fable, il l'emploie parce qu'il y a une étymologie, parler, fari, et que donc du coup, toutes ces analyses sont sur ce rapport entre une voix que l'on veut entendre, et puis d'autre part, la voix qui devient écriture, puisque sans parler d'une littérature canonique mystique, il disait le mystique c'est l'écriture, c'est passer à l'écriture, par rapport à par exemple la possession dans laquelle il y a une parole inconsciente et extorquée. Donc on voit ce sens-là, et l'autre sens qu'on a rencontré, je crois, dans le cours de l'émission, c'est l'idée d'un lieu, mais qui est un lieu plutôt proche de lieu de l'utopie que du lieu social, puisque souvent, et peut-être qu'on pourrait, avant de l'écouter une dernière fois, terminer avec cela, pourquoi parle-t-il dans l'extrait que nous avons entendu de dégradation ? Et pourquoi finalement la chronologie s'arrête-t-elle au XVIIe siècle pour ce qui est de la science expérimentale, des choses de l'au-delà, comme écrivait Surin, sans que, comme vous l'avez bien montré, des procédés de la mystique se rencontrent bien au-delà de cette période, et même en dehors de l'espace religieux. Pourquoi cette dégradation, Lucia, cette déperdition à un moment donné ? Michel de Certeau disait que il y avait eu ce grand désir de construire une science, ces très nombreux efforts, ces très nombreux essais par différents acteurs mystiques, et qu'au fond, aucun d'entre eux n'avait réussi à aboutir, parce que ce qui en était l'objet, c'est-à-dire cette possibilité de se saisir de Dieu, d'une connaissance de Dieu, s'était révélée complètement impossible à atteindre. Et le désir de construire une science expérimentale aboutit à un échec, parce que son objet ne peut jamais être stabilisé. dans une définition et donc dans des procédures d'analyse. Ainsi se clôt ce que Michel de Certeau appelait une figure historique, la figure historique du XVIe, XVIIe siècle. Mais il prenait grand soin de souligner dans de nombreux textes que, bien sûr, il ne réduisait pas l'histoire de la mystique à cette figure historique. Il y avait eu des mystiques antérieurement, comme il le montrait dans les premiers chapitres du tome 1 de la fable, dans la période patristique, et il y aurait d'autres possibilités mystiques ultérieurement, comme il espérait peut-être le montrer dans un troisième volume dont il n'a fait qu'esquisser le plan. Nous allons donc clore cette émission en l'écoutant une seconde fois, et c'était le dernier commentaire qu'il avait fait dans le programme de 1982. Je pense en effet que la question de la mystique, c'est la question de la parole. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'envisageais la fable mystique comme une sorte de contrepoint à ce que j'avais analysé dans l'écriture de l'histoire, à savoir le nouveau pouvoir de l'écriture dans l'organisation d'une société. L'analyse du reste, vous dites. Oui, c'est ça. Je veux dire, qu'est-ce qui reste en fait parole ? Et la mystique est en effet une théorie de la parole et sans doute liée pour des raisons absolument fondamentales à l'expérience féminine, comme vous le disiez. Parce que essentiellement, l'expérience mystique est une expérience féminine. Et les corps parlants, ce sont essentiellement des corps féminins. Le problème d'ailleurs très intéressant dans la mesure où justement la mystique est liée aussi à une promotion de la femme, enfin au XVIe et surtout au XVIIe siècle, qui a régressé au XVIIIe ou au XIXe. Mais l'expansion de la mystique a été liée fondamentalement à un rôle social et épistémologique beaucoup plus grand de la femme. Alors, tout le problème qu'on retrouverait aussi au niveau de la parole, c'est que, d'une certaine façon, la parole fait liaison entre deux systèmes d'écriture. Entre le système d'écriture médiéval et le système d'écriture moderne. Et de ce point de vue, je pourrais reprendre la comparaison avec la psychanalyse qui fait ligature, lien, transit entre un système scientifique scripturaire et puis quelque chose d'autre qui est en train d'apparaître sans qu'on sache encore très bien le nommer. Mais je pense justement que la mystique de ce point de vue, liée à la parole, doit être rattaché, par exemple, à toutes les théories du XVIe siècle en ce qui concerne la rhétorique. Parce que dans ces théories italiennes, surtout, on dit la rhétorique, c'est pour les temps de crise. C'est-à-dire lorsque une société cesse d'avoir un ordre de classification où chacun sait à sa place ce qu'il doit faire, une société, disons, qui ressemble à une page écrite, bien ordonnée, un cosmos écrit, lorsque ceci se trouble, alors il faut refonder des contrats sociaux. Et ça, c'est le rôle de la rhétorique, de réaccorder des vouloirs, d'essayer de lier des passions, d'instaurer des consensus sociaux. Ça, c'est la tâche de la rhétorique comme fondatrice de nouveaux groupes sociaux. Or là, de ce point de vue, la mystique, c'est fondamentalement une rhétorique, c'est-à-dire fonder à nouveau un groupe sur la base de la parole. Les Lundis de l'Histoire vous ont été présentés cet après-midi par Roger Chartier. L'émission a été consacrée au livre de Michel de Certeau, La fable mystique, 16e-17e siècle, tome 2. Un livre dont l'édition a été établie et présentée par l'UGIAR et qui est publié par les éditions Gallimard. Et nous avons présenté ce livre en compagnie de l'UGIAR, Jacques Lebrun et Pierre-Antoine Fabre. L'émission a eu sa prise de son assurée par Lucas Vaillant. La réalisation était de Ghislaine David. La semaine prochaine, les Lundis de l'Histoire seront présentés par Philippe Levillain.